Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je reçois une fée, une sorcière venue d'un autre monde, mais nous voulons du bien, je vous l'assure. Elle a bien des ingrédients pour tisser ses sorts. Elle habille, déshabille et joue de son corps, nous rend confusux et nous libère d'un rire pour nous montrer finalement qu'on n'a peut-être pas besoin de catégoriser ce qu'on voit. Il n'y a qu'à sentir, plonger et vivre cette danse auquel elle nous convie. Mais elle a encore bien des sorts et bien des habits dans sa besace. Aujourd'hui, je reçois Mélusine Beau Séjour. Bonjour Mélusine. Bonjour, bon matin. Comment ça va? On enregistre fin janvier. Tu me disais que tu n'as pas vraiment eu de pause de fin d'année. Pas de repos pour les braves. Ouais. Oui, j'ai une petite semaine de repos en décembre, mais voilà, ça reprend. Ouais. Donc ça va, mais un peu crevé. Mais oui, alors, bien pour commencer, parce que je trouve ça toujours chouette quand j'ai des personnes qui ont des noms d'artistes particuliers, pourquoi Mélusine Beau Séjour ? Ça nous évoque déjà tout un univers, ça ouvre plein de choses. Comment ça t'est venu, ce nom ? Alors, il y a des gens qui trouvent très rapidement, d'autres un peu moins. En fait, la référence, elle vient de la BD. Mélusine. Sur une sorcière. Tout à fait. Ah oui, je lisais ça aussi quand j'étais jeune. Exactement. J'adore. Quand j'étais plus petit, c'est une BD. Je ne sais pas pourquoi j'ai complètement accroché à cette BD. Je pense que c'est le tout, c'est les personnages, c'est le côté magique. Et voilà, c'est l'histoire d'une sorcière de 119 ans. Et voilà. Mais qui a toujours l'air d'en avoir 18. Ça, exactement. Complètement. Qui vit dans un château et en échange de l'hébergement, elle fait le ménage dans le château. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, et du coup, il y a déjà cet humour, il y a déjà plein de belles choses, plein d'ingrédients qu'on retrouve dans la recette de Mélusine Beau Séjour. Complètement. Et alors, il faut savoir qu'à la base, je ne portais pas ce nom. Ah ! Attention, je vais révéler un secret de Polichinelle. Déjà des révélations. Voilà, première révélation, à l'origine, je m'appelais Chat Pastaga. Oh, waouh ! Voilà, ce qu'il faut sachez que je viens du Sud. Ah, oui. Donc forcément, voilà, Chat Pastaga, voilà, je voulais faire un mélange entre Sacha, raccourcir le mot Sacha, le nom Sacha, et Pastaga pour le pastis. Ah oui, parce qu'on apprécie le pastis. En tout cas, dans le sud. Mais j'avais peur de m'enfermer dans un cliché. En tout cas, dans l'image de la cagole, que j'adore. Hein. Voilà, vive les cagoles, vive la vulgarité, vive la beauté des cagoles. Mais voilà, je pense que je me reconnais plus dans l'aspect de la sorcière. Mélusine, c'est aussi un conte qui, à la base, Mélusine, c'est une fée. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est un peu longue, on pourrait en faire tout un podcast. Oui. Mais voilà, c'est intéressant. Et c'était une fée architecte, voilà, créatrice et architecte à l'origine. Et voilà, dans la BD d'ailleurs, Mélusine, il y a souvent des petites références. Voilà. Les gens se moquent d'elle parce qu'ils disent « Ouais, tu portes le nom d'une fée alors que t'es une sorcière. » Enfin bref, voilà, je trouvais ça aussi assez... Et c'est marrant que tu dises donc que c'est une fée architecte, Mélusine, parce que toi-même, tu n'es pas seulement actif sur scène, mais aussi tu fais de la couture, tu fais de la broderie, que d'ailleurs t'enseignes, on aura l'occasion de se pencher plus loin. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui... sont venus à la couture et aux arts textiles parce qu'il fallait bien qu'on habille nos dragues et nos personas de scène, ou est-ce que ça s'est fait autrement ? Alors, la couture, c'est vraiment une histoire de très, très, très longue date. À l'origine, en fait, j'ai enfilé ma première aiguille littéralement à l'âge de 4 ans. Waouh ! En fait, j'étais très, très proche de mon arrière-grand-mère, Mamie Paul. Je suis obligé de le dire avec l'accent du Sud, évidemment. Mais donc, voilà, quand j'allais chez elle, c'était un peu mon espace de safe space. Et elle m'autorisait à... c'est vraiment très drôle. Hein. Elle m'autorisait à mettre ses talons et elle me donnait un fil et une aiguille, un bout de tissu. Et je m'amusais avec ça à faire Voilà, je faisais des gilets sans manches, hein, j'avais 4 ans. Donc, bah, attends, d'il y a 4 ans, tout le monde ne peut pas se targuer de faire ça. Moi, mes premiers mois de couture, je faisais des sacs à pain. Donc, oui, voilà, bah, c'était un peu l'idée, c'est un peu ce que je faisais, quoi. Mais voilà, c'était un peu secret de Polichinelle, parce que mon grand-père, voilà, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui était très droit dans sa tête, enfin bref, tout ce qui est... La féminité dans l'homme, voilà, c'était une abomination, disons-le. D'accord. Donc, c'était vraiment un secret entre ma grand-mère et moi, quoi. Oh, waouh. Donc, dans le dos de ton grand-père, entre guillemets Littéralement, ouais. Ah, waouh. OK. Et donc, déjà là, oui, ces notions de ce que les hommes ou les femmes ont le droit ou pas le droit de faire, etc., ça devient déjà très, très flou à cette époque-là, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout que bon, le sud de la France... Il n'y a qu'à regarder la carte au niveau de la politique. Mmh. C'est pas réputé pour être l'endroit le plus woke de la Terre. Non. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été très, très compliqué. Mais effectivement, du coup, le fait d'avoir cette grand-mère qui m'a donné cet espace-là de, bah, pour pouvoir créer et d'avoir aussi cette passion-là très, très jeune. À la base, je voulais être dessinateur de mode. Ah oui. Donc stylisme. Par la suite, et en découvrant le milieu... J'ai rapidement compris que ce n'était pas du tout ouais. mon univers. Mais donc, tu as quand même fait des études dans ce sens-là ou c'est avant de te lancer dans des oui. études que tu t'es rendu compte, d'accord ? Ah oui, j'ai fait plein. Donc, donc tu as fait des études en textile, quoi en... Stylisme, textile, broderie, wow. okay. Graphisme, textile, enfin voilà, mm-hmm. plein d'études comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené de cet élan-là vers le cabaret, les éventails, la chair dance, le drag, tout ce qu'on va pouvoir explorer dans la suite de cet épisode ? Qu'est-ce qui t'a amené par là-bas ? Alors ça, pour le coup, c'est arrivé assez tard. C'est assez récemment, je pense, il y a 5 ans, où je suis allé voir un spectacle au Cabaret Mademoiselle. Plus tard, je suis allé voir un spectacle au Sassy aussi, quelques mois plus tard. Et j'ai eu une véritable révélation de voir des artistes, en tout cas de voir la pluridiversité sur scène, autant dans les disciplines que dans les genres. C'était vraiment pour moi une véritable révélation et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. Je veux dire, c'est, et d'un côté ça réunissait aussi plein d'éléments que j'aime. Plein de disciplines que j'aime et que j'aime depuis toujours, c'est-à-dire le vêtement, le rapport au textile et aux vêtements, la musique qui fait vraiment partie de mon quotidien. Il n'y a pas une seule journée où je n'écoute pas de la musique. C'est mm-hmm. vraiment. Ou alors c'est que je suis. Non, j'allais dire. C'est que je suis déprimé, mais non. En fait, même quand je suis déprimé, c'est limite les jours où j'écoute le plus la musique. Mm-hmm. La danse aussi. Enfin, mm-hmm. ça et tu avais déjà une expérience, parce que techniquement, tu es quand même pas mal au point. Tu as quand même des beaux écarts. Tu as une technique en chair dance qui est quand même assez précise et tout. Tout ça, ça s'est appris depuis cette première étincelle au Cabaret Mademoiselle et au Sassy. Alors, oui, honnêtement. Alors, j'ai fait beaucoup de sport étant plus jeune. D'accord. Mes jeunes années, voilà. Et il y a un moment, bon, voilà, j'étais, comme beaucoup de garçons, forcé à faire du sport. Voilà. Quand j'étais plus jeune, il fallait être musclé, il fallait machin. Voilà, c'était un signe de virilité. Mais moi, ça me faisait... ça m'incommodait très fortement. Mm-hmm. C'est-à-dire que... voilà, j'allais vraiment à reculons, voire ça me créait des profondes angoisses jusqu'au moment où mes parents, ils ont bien compris que en fait, on n'en tirera absolument rien de moi avec ces disciplines-là. Et où je suis passé à la musique et j'ai commencé à faire du piano. Ok. Mais donc, voilà, après tout ce qui est sport, j'ai continué, enfin j'ai fait du yoga à partir de, je sais pas là, de mes 25 ans, je pense. J'ai commencé à vraiment avoir un besoin déjà à me reconnecter à mon corps. Et donc, c'est passé assez naturellement par le yoga. Et donc, évidemment, le yoga, non seulement ça permet d'étendre la souplesse physique, mais ça détend aussi la souplesse mentale. Mmh. Donc, ça aussi, c'était très intéressant. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter au corps ouais. par ma tête. Ce qui n'était pas très évident d'ailleurs. Non, mais je vois très bien. Et tes pratiques sont quand même beaucoup en rapport avec le burlesque. C'est quand même Tout à un des fait. arts du cabaret, en tout cas dans ce que moi j'identifie, donc que tu pratiques principalement. La question qui vient toujours dans ces cas-là, c'est la question de la légitimité avec nous qui sommes assignés garçons à la naissance. Voilà, tu as un corps en plus qui est vraiment dans les critères de beauté masculin, on va dire. Hein. Tu es Ouais. assez grand, assez fin, assez musclé. Pas assez musclé, apparemment, Oui, après, ce n'est jamais assez, évidemment. Hein, mais comment est-ce que tu as fait ton chemin vers le burlesque et comment c'était de démarrer le burlesque en partant de là? Bonne question. Alors, je vois effectivement, en tout cas, le fait d'avoir une pratique, je dirais, queerlesque. Donc, je suis à la fois entre le travestissement plus le burlesque. C'est un peu un mélange de tout ça. Évidemment, ça prend du temps. Je veux dire, je ne me suis pas imposé voilà, comme ça dans le milieu en mode genre, vous devez m'accepter. Déjà, j'ai fait pas mal de recherches. Moi, je travaille déjà beaucoup en autodidacte pour plein de raisons, mais je me suis aussi entouré de personnes concernées directement par le sujet. Je me suis renseigné auprès de ces personnes. Je me suis fait coacher par ces personnes également. Et voilà, j'ai décroché mon premier festival burlesque l'année dernière au Strasbourg Burlesque Festival. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai pas un burlesque, je dirais classique, ou même néo-burlesque en fait. En tout cas, dans ce que j'ai proposé pour les festivals, c'était ma performance de Lilou. Et justement, je voulais prendre le contre-pied parce que cette performance, je n'ai pas de paillettes. C'est vraiment extrêmement, je dirais, minimaliste dans les costumes, etc. Ce qui va au contre-pied un peu de ce qu'on voit dans le burlesque en règle générale. C'est souvent des grandes robes, des strass partout. C'est l'image du cliché qu'on a, c'est dit Avantise. Mais Oui, d'ailleurs, je c'est. Voilà. renvoie les auditoristes qui n'auraient pas entendu l'épisode avec Stella Mascaret. Je les renvoie à cet épisode-là où vraiment elle a très très bien justement parlé de l'histoire du burlesque, de Dita Avantis, des grands mouvements de star-là. Mais du coup, oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu dis en préambule que tu fais plutôt du queerlesque. Du coup, comment est-ce que tu définirais du coup, parce qu'on parle aussi parfois de boylesque quand c'est vraiment des hommes, enfin quand c'est plus axé sur la masculinité. Et donc toi, tu te situes un peu, j'imagine du coup queerlesque, ce serait entre les deux, comme. Alors en fait, c'est une bonne question. En fait, je me situe, enfin, de mon point de vue, je me situe partout et nulle part. C'est un peu paradoxal, mais de base, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans mon art, j'ai du mal à définir les choses. Dans le sens où c'est tellement fluide, c'est tellement, il y a tellement de nuances, que ce soit dans mon genre, dans ma sexualité, dans mon art, dans plein de choses, que j'ai du mal à poser un seul mot qui va définir tout. Donc effectivement, par exemple, pour ma pratique artistique, je me considère beaucoup plus comme artiste de cabaret, parce que ça englobe plein de choses, et que ça correspond beaucoup plus à mon identité, pour le coup, artistique. Je parle de queerlesque parce que on peut aussi appeler draglesque, c'est les termes qui sont employés, en tout cas dans le burlesque. Mais oui, queerlesque parce que, oui, j'ai envie de le voir au sens le plus large. En tout cas, le burlesque, pour moi, c'est un médium artistique parmi tant d'autres. Et j'ai pas envie forcément de le cantonner que au drag. Je pense que ça va d'ailleurs petit à petit prendre une nouvelle direction. Mais ouais, là, forcément, je remets en question aussi régulièrement mon art, mon positionnement face à mon art et face à ce qui se passe dans mon environnement. N'est-ce pas? Et voilà, donc peut-être que j'ai envie d'une forme qui soit aussi détachée de mes usines en tant que personnage travesti, en fait, enfin, finalement, ou drague, ou Ouais. ça dépend comment on le définit, mais... Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. En préparation de l'émission, du coup, oui, moi, je te proposais de parler de drague et tu me disais, ah, c'est une étiquette dans laquelle je ne me reconnais pas forcément, ou c'est une catégorie, enfin, comme tu disais là, que tu préférais parler d'artiste de cabaret. Pour toi, du coup, quand on parle de drague, tu sens quoi? Que ça limite ou que ça enferme ou que ça dirige déjà le regard vers un attendu que t'as pas envie de donner ou que... Comment ça se fait que toi, l'étiquette de drague, elle te convient pas trop? En fait, c'est même pas que ça me convient pas ou pas. C'est juste l'étiquette. Enfin, en tout cas, si je dois avoir une étiquette, parce que dans ce monde, malheureusement, en tout cas, pour moi, il faut qu'on ait des étiquettes. Voilà, j'aimerais que ce soit la paix dans le monde et que, voilà, il n'y ait plus de famine et que, bref, une sorte de diktat. Mais voilà, on n'est pas dans le pays des bisounours. Mais voilà, en tout cas, juste si je dois avoir une étiquette, la plus appropriée, c'est artiste de cabaret. Après. Moi, quand on parle de moi en tant que drague, ça me va aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'appellation qui me paraît la plus juste. Après, dans le drague, moi, je pense que, moi, je trouve que c'est une discipline que je trouve fascinante et c'est le premier pas que j'ai fait un peu vers le milieu du cabaret. Donc, aussi, je ne peux pas dire que ça enferme dans quelque chose ou quoi, parce que moi, c'est pour le coup quelque chose qui m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, plein de niveaux. Après, voilà, en tant que spectateur, pareil, en fait, j'apprécie beaucoup plus le cabaret au sens général parce que c'est pluridisciplinaire et que j'aime ce côté pluridisciplinaire. Mais il y a des drag shows que j'ai vus qui m'ont enfin, marqué à vie, comme je me souviens de la soirée Céline Dion à The Agenda. J'étais comme un ouf, enfin, c'était incroyable. La Baraka King, leurs shows sont incroyable également. Voilà, donc Et alors, mais justement pour parler de ce rapport aux étiquettes que tu évoquais, et le fait que toi justement tu pratiques énormément d'arts différents. Là en préparation, tu me disais que maintenant tu développes de plus en plus ta pratique des éventails. Enfin, tu t'explores un peu tout le temps des nouvelles choses. Et en même temps, pour pouvoir être engagé, souvent on doit plus ou moins se laisser catégoriser, ou en tout cas les gens doivent un peu savoir, ou en tout cas souvent apparemment ont besoin de savoir qui est-ce qu'ils engagent et donc qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas. Quel rapport t'as à ça du coup que, en fait, quand on engage Mélusine Beau Séjour, on sait jamais vraiment ce qu'on a, ou bien alors du coup tu parles avec les personnes qui t'engagent pour savoir ce qu'elles demandent, si elles préfèrent de la chair ou de l'éventail ou du queerlesque ou quoi, ou comment ça se passe? Ah, c'est une question très très intéressante. Justement, j'en discutais avec ma meilleure amie il y a quelques jours, Anne-Laure. Et justement, je me pose pas mal la question sur comme j'ai envie d'élargir un peu mon champ d'action, mon univers artistique, etc. Voilà. Comment est-ce que ça va se corréler? Là, pour l'instant, effectivement, je communique avec les personnes qui me bookent. Évidemment, en tant que bookereuse, ces personnes-là ont le devoir de se renseigner sur mon travail. Il y a un moment, genre voilà, c'est comme tout. Bah, je veux dire, on book pas des gens parce que on les a vus à la télé. On les voilà, on les book parce qu'on connaît leur travail, parce que leur travail nous touche, etc. Et je pense que ça va au-delà de la discipline. En tout cas, dans mon art, j'ai envie d'explorer aussi l'univers qui gravite autour de ces disciplines-là. Et je pense que voilà, les gens me bookent en partie pas seulement pour mes techniques, parce que voilà, j'ai pas non plus une technique hyper large comparée à d'autres artistes, danseuses qui font ces métiers depuis des années. Mais je pense que voilà, j'ai un univers, j'ai des idées et les gens me bookent pour ça. Après, pour ce qui est des numéros, j'en discute avec LE. Par exemple, pour tout ce qui est l'espace scénique, j'ai des. Voilà, parfois je sais, je peux être un peu casse-pied, mais I don't give a shit. À un moment donné, je suis là pour faire mon taf. Ben oui. Donc je demande certaines informations qui, pour moi, me semblent indispensables, c'est-à-dire l'espace scénique et la régie. Voilà, ça, c'est Ouais. les deux. Donc c'est-à-dire quoi, la dimension? Dimension, taille, la hauteur du plafond, Ouais, c'est ben voilà, oui. où est placé le public Oui. et la régie, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Ouais. Bah, en fonction de ça, le choix il va être assez rapidement fait. Il y a certains numéros que je ne vais pas pouvoir faire. Lilou, par exemple, je ne peux pas le faire sur des petits espaces. C'est un costume, déjà, j'y vois pas grand-chose quand je suis dedans. Donc on est d'accord, Lilou, c'est le costume en... Alors moi, j'appelle ça en couverture de survie, comme ça. Oui, c'est ça. Hein. Donc en tout en papier doré, voilà. Argenté, comme ça, où tu es une espèce d'immense fleur. Ben, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Eh bien, c'est parfait. Ça fait un petit teasing avant de faire une première pause musicale. Merci pour ce beau panorama. Comme pause musicale, tu nous amènes du Amandalir. Oui. Good to be bad. Est-ce que tu veux introduire un petit peu le morceau ou est-ce qu'en fait tu parles de lui-même et qu'on lance? Franchement, je pense que le morceau parle de lui-même. Pour moi, c'est un peu la quintessence de ce qu'est Mélusine, mon personnage, autant dans le côté sorcière que dans le côté androgyne. Et voilà. Parfait. Et obscur. Eh bien, on vous laisse avec Good to be bad d'Amanda Lear. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Belle écoute et on se retrouve juste après ça. You think you need a change of scene, a little something in between, a little something on the side, a little place where you can hide. When life has got you down, seems no point in hanging around, seems no one can spare a dime. All you do is walk the line. Change from peaches and cream. If you want to feel the heat, a little change from something sweet. So I'm not what you had in mind. Only seek and you will find a little love for you to try, a little taste before you buy. You're no angel and I'm no queen. Good, I aim so clear. So maybe love is a passing fad. Sometimes it's good to be bad. Change from something sweet. So I'm not what you had in mind. Only seek and you will find a little love for you to try, a little taste before you buy. You're no angel, I'm no queen. You're real tough, I'm real mean. So what is love? Is a passing fad. Tell you straight, it's down to fate. It's so good to be bad. It's so good to be bad. It's so good to be bad. I just love being bad. And when I'm bad, I'm just better. Voilà, c'était Amanda Lear, Good to be bad. Vous êtes toujours sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Et tu me disais en off que c'était tellement Mélusine, c'était tellement le programme de Mélusine que finalement, t'as pas encore trouvé comment le mettre sur scène. C'est ça. Ça me paraît évident qu'un jour, cette musique viendra sur scène avec Mélusine, mais pas pour l'instant. Ouais, mais c'est vrai que déjà, même dans le ton de voix, le côté ensorcelant. Tout à fait. C'est ça. Je vois bien. Une entrée très dramatique, comme j'ai déjà organisé des spectacles avant, des shows cabaret, du coup je vois très bien ce genre de musique en ouverture. Ah ben oui, évidemment. J'adore c'est drama. Le programme de la soirée aussi quoi qui est donné, excellent. Voilà. donc on a pas mal parlé de toutes les différentes choses que tu fais, mais finalement c'est quoi la patte Mélusine? Qu'est-ce qui fait qu'on vient voir Mélusine bosser jour et pas quelqu'un d'autre? Mélusine, c'est un mélange de plein de choses. Alors déjà, en termes de référence, je suis très référencé au cinéma et à la musique. Ça, c'est vraiment des références qui font partie de mon ADN artistique. Déjà, la performance de Lilou, c'est inspiré du personnage. C'est clairement, je voulais représenter ce personnage qui, moi, représente à la fois une créature androgyne, une réponse au monde, qui est l'humanité, finalement. Mmh. Et je trouvais ça intéressant que ce personnage-là, qui est certes une femme, mais qui sort absolument des clichés qu'on en a, cette femme avec très peu de poitrine, très androgyne, presque avec des traits masculins, enfin, en tout cas voilà, très... Oui, parce que donc pour donner un petit peu de contexte, donc ce numéro, tu commences, comme on disait avant la pause, en une espèce d'énorme créature, un peu une espèce de fleur ou de vraiment créature étrange qui tourne sur elle-même, toute faite en couverture de survie. Donc en plus, ça chointe, ça fait plein de bruit déjà en tant que tel avec le costume. Et puis on sort, ce personnage de Lilou, qui est un personnage du cinquième élément. Là, il y a une référence directe même dans le costume, etc. Et donc quoi, c'est une espèce de naissance sur scène, ce numéro. Alors, comment tu le... Ce numéro, il est intéressant. Pour moi, c'est un des numéros avec mon numéro de Cher Dance, I'm Not Perfect, qui, c'est les numéros qu'on me demande le plus. Ça, c'est, voilà. Parce qu'il y a un côté aussi assez spectaculaire. Mais ce numéro de Lilou, il parle surtout de la survie. C'est assez cliché, mais voilà, j'ai utilisé un matériau qui parle de lui-même. Mais on est sur de la survie physique, mentale. Je suis une personne hypersensible et l'idée, c'était déjà en reprenant des codes de ce film-là, et surtout, je me suis basé sur cette scène où Lilou reprend vie après que le vaisseau ait été détruit et qu'on récupère un fragment de son corps. Et donc, son corps est recomposé. Donc, elle se retrouve dans un monde complètement paniqué, dans une espèce de cuve, vous pouvez voir la scène, remplie de couvertures de survie complètement dorées. En fait, voilà. Donc, je me suis référé à cette scène-là. Et parce que moi, j'aime bien en fait, apporter plein de petits détails que peut-être les gens ne vont pas voir sur le moment. Mais si la personne, après, elle va voir le film et qu'elle voit cette scène-là, qui va dire oh, purée, mais Eureka, moi j'aurais gagné. Donc voilà, c'est autour de comment, quand on débarque sur Terre dans un monde extrêmement intense et qu'on est hypersensible à ce qui se passe dans notre environnement, comment on fait en fait pour ne pas vivre, mais survivre? Parce que c'est aussi comme ça que je le ressens souvent. C'est je sens que je suis en survie. Super. Et puis à côté de ça, tu as des numéros qui sont beaucoup plus légers. Je me souviens d'un numéro de duo où ton ou ta partenaire devient une Harley Davidson que tu conduis allègrement. Il y a aussi des numéros, notamment un numéro de Cher Dance. Je sais plus si c'est I'm Not Perfect ou un autre, où vraiment par tes mimiques physiques et tes mimiques de visage, t'amènes beaucoup d'humour là-dedans. C'est important pour toi d'amener des touches d'humour dans tes numéros ? Oui, complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis, que ce soit aux artistes que je coach ou avec mes élèves à la BAP. prenez, enfin, en fait, il faut prendre du plaisir. C'est vraiment quelque chose de... Et ça peut passer par plein de phases, par plein de manières différentes, mais à partir du moment où nous, on prend du plaisir sur scène, le public le ressent. Le public n'est pas dénué de sensibilité. Il y a un moment, il faut... Voilà. Le public n'est pas bête, le public est extrêmement intelligent émotionnellement et sur plein de plans. Et donc, il faut utiliser aussi cette intelligence-là et prendre du plaisir sur scène. Ben, en fait, les gens, ils vont repartir avec cette énergie-là, quoi. Mmh. Ils vont nous la renvoyer, on va leur renvoyer. Ça va être une espèce de battle de ping-pong qui ne s'arrête jamais. Et dans ce numéro, I'm Not Perfect, bah, que je fais quand même depuis, je pense, ça fait 2-3 ans que je le fais, ce numéro. Maintenant, je suis complètement à l'aise avec. Je l'ai conçu pour qu'il y ait des espaces où je peux improviser. Ça, vraiment, dans la structure de mes numéros, c'est indispensable d'avoir ces moments-là d'improvisation pour justement connecter avec le public, pour que moi-même, je sois connecté à l'instant présent. Et c'est un numéro que j'adore faire, même s'il est extrêmement physique. Et I'm Not Perfect, bon, bah, ça parle de soi-même, quoi. Et puis, voilà, moi, c'est la référence avec Grace Jones et tout ça. C'est une ode aux freaks, aux personnes androgynes, voilà. Mmh. Et c'est quoi ton processus de création, du coup, pour un nouveau numéro? Tu dis que bah, tu as étudié le piano et que tu écoutes beaucoup de musique, donc tu pars de morceaux musicaux qui te font fantasmer ou sur lesquels tu as des visions de ce que ça pourrait donner sur scène, ou bien c'est quoi le point de départ? Alors, je n'ai pas une seule méthode à proprement dite. J'ai plusieurs méthodes et parfois les méthodes évoluent sur le moment, mais soit ça part du costume, parfois j'ai une idée de costume. Au début, c'était souvent ça, ça partait du costume et après je trouvais en même temps ou après la musique, le thème, l'histoire qui gravite autour, qui fait que la performance se fait. Mais je dirais que de manière plus générale, ça se fait de manière assez organique. Des fois, c'est une histoire que j'ai envie de raconter et donc il faut que je travaille il faut que je cherche la musique et le costume. Parfois, c'est le costume qui vient raconter une histoire et après, je trouve la musique. Ou des fois, c'est une musique comme Good to be Bad. Quand je l'ai écouté, j'étais là, mais c'est comme une évidence, je veux dire. Tout est là. Oui, c'est ça. Et on se dit, oui, et on se disait en off aussi, parfois, en fait, tout est tellement là dans la musique qu'on ne sait pas ce qu'on va y amener en plus sur scène. Et donc, paradoxalement, ces morceaux-là restent dans les cartons parce que c'est important pour toi que ce ne soit pas simplement, entre guillemets, écouter le morceau, mais que tu y amènes quelque chose en plus. Tu vois, j'entends que tu parles de référence à des scènes, référence à des artistes, d'amener plein de détails. Complètement. Pour toi, c'est important, ouais, de... Complètement. Je pense que c'est le rôle de l'artiste et d'une certaine manière aussi, j'ai envie d'honorer ces musiques que je trouve absolument incroyables honorer l'art et la musique en règle générale en apportant une histoire. Pour moi, voilà, c'est un peu aussi une manière de faire vivre l'art, de faire vivre la musique différemment. Que dire de plus? Non, mais alors, en première partie, tu parlais du monde dans lequel on vit, tu parlais d'élargir ou d'aller voir ailleurs ou d'aller chercher peut-être ailleurs que dans ce qu'est Mélusine actuellement. C'est ce côté un peu... Pour utiliser des grands mots, hein, mais la responsabilité de l'artiste, la valeur que peut avoir notre art, l'engagement de l'art, etc. C'est des questions que tu te poses pas mal pour le moment. Tout à fait. Oui, et j'ai envie de dire comment ne pas se les poser. Parce que, mais effectivement, je pense que c'est tout aussi important d'avoir du divertissement pour faire rêver les gens. Parce que ça, je veux dire... Le monde est tellement, désolé, je vais être hyper pessimiste, mais un peu au déclin, qu'on a aussi besoin de ces espaces-là de rêve, parce que c'est aussi ce qui va nous donner la motivation de nous battre pour ces rêves, pour les conserver. Et la culture, en fait partie. Et d'un autre côté, moi, je me pose aussi la question de, en tant qu'artiste, il y a des choses qui m'interpellent et je ne peux pas passer à côté. Bah voilà, moi je vois très bien que la culture s'effondre. Et voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les budgets sont divisés de moitié en Belgique, dans la plupart des théâtres et des salles de spectacle. Je pense qu'en France, c'est pas non plus Oui, c'est assez terrible mirobolant. aussi, hein. Voilà, Oui. je veux dire, globalement, dans le monde, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de la culture. Je pense qu'on n'est pas à la fin, on n'est pas à la mort de la culture, on n'est pas du tout encore là. Mais ce qui est certain, selon moi, c'est que la culture, l'art, va prendre une toute autre forme. Donc voilà. Donc là, je réfléchis par exemple à des nouveaux numéros. Forcément, chaque année, je réfléchis à des nouveaux numéros. Et là, j'en ai cinq en tête. Mais voilà, sur les cinq, bah, il y en a un seul qui me semble le plus pertinent et qui bah, parle justement de cette culture et de un peu, voilà, qu'est-ce qui reste une fois que la culture s'est effondrée? Qu'est-ce qui reste en fait? Bah, il reste des réminiscences de souvenirs de ce qu'était le rêve en fait. Et pour moi, la culture, c'est quelque chose de indispensable dans le monde et surtout dans la société dans laquelle on vit, parce que c'est ce qui nous permet de prendre du recul sur ce qui se passe dans notre environnement et d'être connecté à notre environnement. Étrangement, parce que c'est la culture et l'art, on parle beaucoup du rêve et de transcender aussi un peu la réalité d'une certaine manière. Mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui nous reconnecte avec la réalité. Quand je vois un spectacle, surtout dans le spectacle vivant, mais même dans la sculpture, dans plein d'autres disciplines, je trouve que ça appelle les émotions et on a besoin, on est des êtres humains faits d'émotions. Et je pense que l'art, c'est fait pour faire vibrer ces émotions. Si on ne fait pas vibrer ces émotions-là, bah, en fait, il reste qu'un seul un creux dans notre âme. Et comment on fait pour avancer? Je vous pose la question, chers auditeurs. Je prends ton rôle. Vas-y, vas-y, tu le fais très bien. Non, bah, c'est super. Et puis, mais en même temps, alors j'entends très bien et je partage très, très, très fort, malheureusement, ton constat sur l'état de la culture. Mais en fait, c'est l'état de la culture subsidiée. Et la grande force de nos cabarets et de nos scènes, c'est que c'est des scènes marginales. Alors, il y a tout le côté précarisant de la marge. Et voilà, le côté qu'on est. On n'est pas bien payé, on a des agendas très très courts, etc. Mais on est indépendant de ces subsides, on est indépendant de cette volonté politique. Non, t'es pas tout à fait d'accord avec ça. Je te À vois faire un petit peu la moue. moitié d'accord, ouais. Bah parce qu'en fait, on vit quand même dans un monde qui est quand même régi par le dit capitalisme. Et donc, effectivement, je pense que dans un monde comme ça, où on veut nous priver de nos droits sociaux, etc., bah voilà, malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions que de pirater le système et voilà, de devenir nous-mêmes nos propres. Enfin, de devenir en fait des pirates, hein, voilà. Mais pareil, ça encore, ça a ses limites. Enfin, moi, je le vois. À un moment donné, si on veut trouver un appartement, bah, il faut avoir des Ah fiches de oui. paye. En fait, il y a des réalités qui nous rattrapent, qui sont d'une violence absolue. Voilà, pour te donner un exemple là, ma situation actuelle, c'est que je n'ai pas d'appart, enfin, je n'ai pas de bail. Ah Je oui. vis, voilà, je vis chez quelqu'un et je paye le loyer, etc. Mais voilà, je Oui, et suis donc dans l'illégalité la plus totale, tu si vois. la personne veut te mettre dehors du jour au lendemain, en fait, t'as rien pour Voilà, donc encadrer, etc. exactement. Et en fait, Bah, j'ai merci de le rappeler, fait. c'est Bah important oui, de rappeler ça aussi c'est. que. Voilà, c'est hyper important. Alors oui, effectivement, je pense que c'est aussi important de faire nos choses de notre côté. Et quand on peut payer les artistes le mieux possible, voilà, sous quelque forme que ce soit. Après, voilà, c'est aussi aux artistes de dire oui ou non. Mais voilà, après nous. Le rôle des productrices, c'est de proposer quelque chose d'assez juste. Après, si les gens ne veulent pas être payés en cash, bah, ils refusent. S'ils préfèrent être payés en cash et que c'est possible, bah, voilà. Je veux dire, après, ça, c'est voilà, on s'arrange chacun les uns les autres. Mais effectivement, voilà, la réalité pécuniaire fait que. Et puis c'est bien de rappeler aussi que en fait, à des moments, avoir des contrats, bah déjà, ça permet d'accéder au statut d'artiste. Je ne sais pas si toi, tu l'as, le... Je bosse dessus, mais ah, c'est compliqué. Il me manque encore beaucoup d'heures. Courage avec ça. J'ai mon attestation, mais j'ai pas assez d'heures. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et puis oui, au-delà de ça, effectivement, pour parce qu'on fait partie de ce système, qu'on le veuille ou non, et que soit on vit dans une plus grande précarité, soit effectivement on doit s'y insérer. Bien. Et bien après cette toutes ces paroles importantes, on va faire une deuxième petite pause musicale. Tu nous amènes un duo entre Ferdi et Sofiane Pamart, oui. Montreux Palace. Est-ce que tu veux un peu introduire la piste ou on la lance ? Oh, bah comme je disais, cette musique, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je pense que déjà, je suis un petit peu en train de bosser dessus en ce moment par rapport au thème que je viens aborder là, à l'instant. Et aussi, c'est un musicien belge et un musicien français. Donc je me suis dit, voilà. Qui suis français vivant en Belgique. Pareil, c'était comme une évidence. Eh ben parfait. Vous êtes sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. On s'écoute Montreux Palace et on revient juste après ça. Montreux Palace de Ferdi et de Sofiane Pamart. Merci de nous amener ce duo. C'était quoi? C'était piano-saxophone, c'est ça? Oui, tout à fait. Un petit moment de poésie. Voilà, j'aime la poésie. Mais la poésie fait partie de mes lusiles, je veux dire. Mais oui, et puis plus récemment, ce qui fait aussi partie de mes lusines, tu l'as déjà évoqué, c'est de donner des cours. Oui. C'est de l'autre côté. Tout à fait. Notamment donc, à la Brussels Art & Paul, où tu donnes des cours de cabaret, de présence scénique, etc. Mais tu as aussi l'atelier de Mélu, qui est un côté plus couture, broderie, où tu donnes aussi des cours. Ça, c'est ça. C'était important pour toi, après 5 ans de pratique, de transmettre ce que toi t'as appris ou ce que toi tu... Tout à fait. Bah, alors déjà... Le concept de la transmission, pour moi, il est inhérent, enfin, c'est indispensable. Enfin, ça va de pair avec l'art, en tout cas ma vision de l'art. C'est comme ça aussi que je suis rentré un peu par cet art-là, enfin par l'art, quoi. C'est des personnes comme Blanquette qui ont pris le temps de discuter avec moi pour que je me renseigne un petit peu plus sur cet univers sans arriver et enfoncer les portes, parce que c'est pas le but, quoi. Mais voilà, j'ai envie de. C'est mes grands-mères qui m'ont transmis leur savoir-faire. Pour moi, ça me paraît évident et indispensable de transmettre aussi ça aux gens. Que ce soit par les cours, par ne serait-ce qu'une petite discussion pour me poser des questions sur c'est quoi l'univers du cabaret, selon moi, parce que je vais forcément apporter ma vision, mais je vais l'apporter en disant que ce n'est pas la vision qu'il faut avoir. Voilà, ça dépend de mon point de vue, de mon histoire et de plein de choses, mais certainement qu'une autre artiste ou un autre artiste ne va pas donner la même définition. Et c'est aussi important d'avoir plusieurs définitions. Et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mes cours à la BAP. Et donc pour en revenir à ces cours, Oui, déjà, c'est qui vient à ces cours? Est-ce que c'est des personnes qui pratiquent déjà dans les arts du cabaret et qui ont envie de se donner plus d'outils? Est-ce que c'est des personnes vraiment qui découvrent? Est-ce que c'est un peu de tout? De tout, Ah ouais. vraiment un petit peu de. Oui, c'est vraiment un peu de tout. Je pense qu'il y a des gens qui viennent aussi pour se faire du bien. Je pense qu'il y en a qui viennent parce qu'il y a une véritable curiosité et une envie de découverte de cet univers du cabaret, qui effectivement est absolument fabuleux. Enfin, c'est quand même un métier où on vend du rêve. Est-ce que vous connaissez un métier quand même, c'est quand même exceptionnel de vendre du rêve. Je trouve ça fabuleux comme métier, quoi. Donc j'ai aussi envie de transmettre ça et sans forcément avoir cette pression de voilà, le cabaret, c'est pour monter sur scène. Je veux dire, on fait le show. En tout cas, je parle pour moi. Je fais le show dans ma vie au quotidien avec mes potes. C'est hallucinant. Bah, la maison dans laquelle je vivais avant, à l'avenue Beauséjour, du coup. Mais non, Si, si, ah, mais si. waouh. Donc, c'est de là d'où vient mon nom de Ah, mais scène, oui. Beauséjour. Et donc, Excellent. je vivais avec une tripotée de joyeux lurons. C'était fabuleux. Et du coup, bah, voilà, c'était le show tout le temps, quoi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. J'ai Ah, ouais. fait, voilà, je faisais des shows. Pour tes colocs. Bah, c'était Halloween, c'était les Ah anniversaires, c'était le oui. Nouvel An. C'était chaque occasion, était un peu un prétexte à m'exercer, à m'entraîner, avec un regard hyper bienveillant qui est celui de mes potes. Donc, voilà. Et c'est aussi ce que je transmets dans mes cours et je leur dis, en fait, vous n'avez pas besoin de aussi de vous mettre la pression sur, il faut absolument monter sur scène quand on fait du cabaret. Vous pouvez aussi très bien le faire chez vous, avec vos potes. Enfin, il y a aussi un truc où c'est chouette de faire le show et juste de bah, se divertir. En fait, disons les choses clairement, c'est du divertissement et juste dans la vie au quotidien, on a besoin de divertissement. Et mais justement, comment t'enseignes parce qu'en plus, si je me souviens bien, tes cours, c'est finalement entre guillemets relativement large. C'est des cours qui Tout à fait. concernent la présence scénique, le fait de travailler un personnage, etc. Ouais. Comment t'abordes ça, du coup, avec des gens au profil aussi diversifié? Si tu peux un peu, ouais, Ouais. nous donner un petit avant-goût aussi pour les personnes que ça intéresserait de s'inscrire, hein, évidemment, n'hésitez Complètement. pas. Complètement. Bah, je vais te raconter le dernier exercice que je leur ai donné, par exemple. Mais avant ça, quoi qu'il en soit, mes cours, je les oriente plus sur l'aspect créatif, parce qu'en fait, c'est mon domaine de prédilection, et beaucoup moins sur le côté technique. Parce qu'en fait, disons les choses, c'est aussi le domaine dans lequel j'ai des lacunes et sur lequel je travaille régulièrement, quoi. Parce que j'ai besoin de renforcer ça. Et d'une part, je vais leur apporter un aspect théorique. J'ai pas encore trouvé le format adéquat pour que ce soit suffisamment court et long à la fois Ouais. et que ça traite de, voilà, de suffisamment de sujets. Mais c'est déjà une partie théorique pour éveiller leur curiosité. Je trouve ça indispensable. Et puis, voilà, je leur donne des connaissances vraiment de base avec mes références à moi, d'artistes, de shows, etc. Mais après, ils vont explorer de leur côté, quoi. Et ensuite, je vais leur donner, par exemple, le dernier exercice qu'on a fait, assez différent de ce qu'on a fait d'habitude dans mes cours, mais on est parti sur une chorégraphie assez simple, où on déploie à droite, à gauche et au centre les mouvements. donc plutôt autour des mouvements de danse contemporaine. Et on va, avec une seule chorégraphie, l'accélérer, la ralentir, enfin, vraiment la ralentir, ralentir, ralentir. Une fois qu'on est à l'aise avec cette forme-là, et qu'on arrive aussi à enchaîner la chorégraphie presque comme une boucle, une loupe qui s'enchaîne. Une fois qu'on a ça, quelle intention est-ce qu'on y met? Et ça, je mets vraiment un point d'honneur aussi à l'émotion, l'intention. Et ça va un peu de pair avec ce que je disais tout à l'heure de prendre du plaisir sur scène, c'est aussi donner une intention. Nous-mêmes, on a une intention quand on monte sur scène. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas que pour se faire voir par le public. Je m'insurge contre cette théorie. Mais c'est voilà, une intention de faire rire, une intention de toucher dans le cœur des gens, une intention de raconter une histoire. Ça va être plein de choses. Voilà, l'intention qu'on va donner, ça va aussi être le guide de ce qu'on va apporter artistiquement, quoi. Et donc ça, voilà, c'est ce que je leur fais faire comme exercice. Et donc c'est aussi leur faire comprendre que c'est aussi un process. D'abord, on développe une chorégraphie où chacun a sa propre méthode, mais en tout cas, c'est pas on développe tout en même temps. Je fais le costume, la choré, l'attitude, le machin, le bidule. C'est impossible. Enfin, en tout cas, pour moi, qui se doit faire les choses étape par étape, ça me paraît complètement impossible. Mais donc voilà, c'est là, je leur montre un peu la structure de on commence à faire une chorégraphie, on apprend vraiment bien cette chorégraphie pour l'ancrer dans notre ADN. Une fois que c'est ancré dans notre ADN, après, on peut s'amuser à créer des intentions. Donc là, on avait fait deux groupes. Donc un groupe donnait l'intention à l'autre qui Ah, performait. trop chouette. Parce que ça, c'est pareil. Je veux aussi leur montrer qu'il y a l'observation, c'est quelque chose pareil, c'est indispensable. Mais dans toutes les disciplines, hein, je veux dire, on ne peut pas être seul, tout seul, toute seule, avec sa discipline, en regardant son propre nombril. Enfin, dans ce cas-là, oui, effectivement, on est dans une vision très narcissique de l'art, et c'est absolument pas là vers quoi je veux leur amener, quoi. Donc, je les invite à se poser, observer ce qui se passe en face, et après, éprouver la même expérience. Donc, c'est ce qu'on a fait, et un groupe avait dit, voilà, l'émotion, ce sera la lourdeur. Et donc, le groupe a performé, enfin, en tout cas, avec la chorégraphie que je leur ai donnée, développer le mouvement en fonction de cette émotion-là. C'était extrêmement intéressant, c'était trop chouette. Super. Bon, alors l'heure tourne, donc je. Oui, Oui, pardon. non, non, mais c'était passionnant de t'écouter. Donc en même temps, je n'osais pas te couper. Mais avant de terminer, un dernier petit sujet, ben c'est sur l'avenir. Bon, on a dit à quel point cet avenir est à la fois incertain et prometteur, mais il y a particulièrement un projet que tu es en train de co-développer auquel tu participes, c'est Tout à fait. Queer Scream. Ouais, Est-ce que tu Queen peux Screams. nous en parler en quelques minutes là? Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet mené par Elf, Ambivalent, qui a mis en scène ce spectacle qui parle de la culture queer, des relations entre la culture queer et le genre de l'horreur au cinéma et dans la littérature. Donc, sous la forme à la fois documentaire, à la fois mise en scène théâtrale et à la fois performance. Donc, voilà, c'est vraiment un mélange. Et moi, Super. j'aime bien ce type de spectacle. C'est très, Ouais, très ouais, dans l'air du temps. Voilà, d'avoir un peu cette pluridisciplinarité. Oui, parce que bon, il y a le queer coded villain, donc le méchant qui a des codes un peu queer au cinéma, Exactement. des méchants comme dans chez Hitchcock ou quoi qui donnaient des traits un peu queer à pas mal de ces. Donc il y a du matos quoi, il y a pas C'est mal de ça. matériel. Et comment ça se passe concrètement parce que du coup c'est un projet à long terme, avec une équipe, vous avez des périodes de répétition, c'est assez différent du rythme que tu as l'habitude d'avoir pour créer tes numéros. Tout à fait. Mais c'est très, très intéressant. Oui, c'est exactement ça. C'est complètement différent. Et en même temps, je trouve ça assez confortable parce que c'est comme c'est sur le long terme. Là, on va entamer notre troisième résidence, quatrième résidence la semaine prochaine. Et donc, on a le temps, de faire mûrir, faire grandir les personnages, faire grandir les interactions, le contenu, l'esthétique et tout en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne plus que dans quelque chose de très fast. Je suis pas quelqu'un, par exemple, apprendre un lip-sync en une semaine, pour moi, voilà, je vous le dis, c'est impossible. Je ne suis D'accord, incapable d'apprendre ouais. un lip-sync, un seul, hein, en une semaine. J'ai besoin d'un mois pour pouvoir le faire bien à fond. Et je trouve que du coup, ce format-là de résidence, bah, ça permet de prendre le temps de développer les choses, quoi. Et donc là, je bosse avec Baxter, King Baxter, que beaucoup connaissent, avec Pierre Rococo, les Camille, du coup, Natrix, qui est contorsionniste à Paris, et donc Elf, Ambivalence. Un grand metteur en scène et Voilà, tout ordre à fait. interprétatif. Très bien, trop chouette. Est-ce que vous avez déjà des dates où on peut venir vous voir ou bien c'est encore en train de cuisiner? Tout à fait, oui. Alors déjà, on va avoir 11 dates au Riche Claire. Donc on va être, il me semble, coproduit par le Riche Claire, par les Riche Claire, pardon. Donc c'est à partir de mai, dans mon souvenir, je crois que ça commence le 15 mai, quelque chose comme ça, Okay. Bah en tout jusqu'au cas, on 6 peut aller juin. voir sur le site Tout des à Riche fait. Claires, j'imagine. Ça y est. Parfait. Et puis, je ferai suivre sur les réseaux de Freaks et Merci. Merveilles pour tenir le public au courant, évidemment. Et puis, du coup, à partir de là, bah, c'est le grand point d'interrogation que des pros viennent et Voilà. que ça puisse tourner ailleurs. Bah, C'est ça. en tout cas, ça a l'air très intriguant comme projet. Ça donne envie. Et à part ça, au niveau personnel, enfin, on a déjà pas mal parlé de ton envie de développer des nouveaux numéros, etc. Est-ce que tu as des choses concrètes sur lesquelles tu travailles? Donc, tu as parlé de ce numéro autour de entre guillemets, la mort de la culture et Un qu'est-ce qui peu, reste ouais. quand on a tué la culture. Ben, je pense qu'en fait, c'est ça. Oui, c'est clairement la direction vers laquelle je prends. Je pense que voilà, je vais faire une performance là-dessus. Sous quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il va pas falloir s'attendre à des artifices. Là, pour le coup, je vais partir, je pense, sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Peut-être beaucoup moins vendable. Oui, bah oui, les trucs un peu plus mélancoliques et un peu plus tristes, bon bah ça a un peu moins de succès. Enfin, ça dépend où, on va dire. En tout cas, c'est ce dont j'en ai l'impression, quoi. Mais je m'en fous en fait. Donc voilà, Eh ben super, ça m'a l'air d'être un super mot de la fin. c'est. Oui. Avant de te laisser filer quelques petites questions rituelles que je pose à tout le monde, sans le cabaret, tu serais devenu quoi? Tu serais devenu Oh qui? mon Dieu, quand j'ai vu cette question, je vraiment. Je sais pas ce que je serais devenu, mais en tout cas, je sais que je vivrais. Je sais ce que ma vie serait, et elle serait beaucoup plus fade. En fait, c'est bizarre, mais maintenant, je vois plus. Déjà, globalement, je vois pas ma vie sans l'art. Mais là, maintenant que j'ai découvert le cabaret, je ne vois pas. J'arrive pas à envisager ma vie sans l'univers du cabaret. Enfin, c'est. Quand ça fait 3 mois que j'ai pas performé, je tiens plus en place. Je suis insupportable. Si tu as tout le budget du monde pour faire un show, tu fais quoi? Oh, aïe, aïe, ça c'est pareil. C'est une question que tu me poses. T'as vu, hein? En fait, y aurait deux choses. Il y aurait un peu le côté très égo perso et côté plus humain et plus mondial et général. Et voilà, le côté plutôt perso, ce serait d'organiser un spectacle grandiose aux Folies Bergères. D'accord, dont tu es la star. Alors, je pense pas que ce soit la star, mais en tout cas, c'est sûr que dans les deux, voilà, ce serait plutôt ça. Et le deuxième, ce serait un show qui soit accessible au plus grand nombre, mais vraiment au plus grand nombre. Et si possible, un show qui ne soit pas que pour une soirée. Parce que voilà, les shows d'une soirée, ça va 5 minutes, mais voilà, on a envie de ça. Et en fait, ce serait surtout autour, je pense, de la notion de rêve, en fait, Ok, clairement. Et de. super. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi? En fait, j'ai pas vraiment le choix. Oui, notamment. Parce que bah, les disciplines que je fais sont connectées à mon corps. Donc, c'est pas tout le temps facile, mais oui, d'un côté, je suis obligé et amené à écouter mon corps et à lui parler. Lui me parle aussi beaucoup. Il me parle beaucoup plus que je ne lui parle. Plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Mélusine Beauséjour? Mais je dirais les deux, bien entendu. Évidemment. Eh ben, merci beaucoup d'être passé. C'était très chouette Avec cette heure en ta plaisir. compagnie. Et puis bah du coup, courage pour tout ce qui t'attend. Et puis on ira découvrir Queer Scream avec. C'est ça, hein, c'est Queer Scream. Oui, Queer Oui. Screams, Queer avec un Screams au S à la pluriel, fin. évidemment. Avec grand plaisir, toutes les infos seront dans les réseaux sociaux de Freaks et Merveilles, mais allez voir sur le site des Riches Claires alors. Très bien, eh bien Mais à bientôt. merci infiniment, c'était un super chouette moment. Merci Ah, beaucoup. trop bien. Et voici qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Dans 2 semaines, on part en boîte de nuit avec Morgan Ruby qui nous parlera go-go dancing. Petite auto-promo, le samedi 11 avril à la Brussels Art & Pôle de Bruxelles, en partenariat avec Pardon My Freak, il y aura la deuxième édition de 100% Pôle, un show de pole dance, surprise, mais aussi une jam et un événement communautaire où on favorise l'entraide entre artistes expérimentés et personnes faisant leur premier pas sur scène. Ça va être incroyable et les tickets partent comme des rouleaux de PQ à l'annonce d'un confinement, alors foncez sur Instagram ou sur billetweb.fr/200-pôle pour vite choper vos places. billetweb.fr/200-pôle. Et d'ici là, il y a plein d'autres épisodes à écouter, réécouter, partager, liker, bref, vous connaissez la musique. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. C'est une émission diffusée un samedi sur deux sur Radio Panique et propulsée par Murmure ASBL. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.